Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Na khlemi alienu dile. Bomina khlemi fie dio. Na khlemi alienu dile. Bomina khlemi fie dio. Montrez-moi où est l'enveloppe. Mi khlemi fie we mapo dio. Mi khlemi fie we mapo dio. Montrez-moi où est la clé. Mi khlemi fie chavi dio. Mi khlemi fie chavi dio. Montrez-moi où est le rasoir. Mi khlemi fie rasoir dio. Mi khlemi fie rasoir dio. Montrez-moi où est le verre. Mi khlemi fie kofu dio. Mi khlemi fie kofu dio. Montrez-moi où est le crayon. Mi khlemi fie crayon dio. Mi khlemi fie crayon dio. Montrez-moi où est le téléphone. Mi khlemi fie alukan dio. Mi khlemi fie alukan dio. Montrez-moi où est la montre. Mi khlemi fie chavi dio. Mi khlemi fie chavi dio. Montrez-moi où sont les ciseaux. Mi khlemi fie ciseaux dio. Mi khlemi fie ciseaux dio. Montrez-moi où est le peigne. Mi khlemi fie ayao dio. Mi khlemi fie ayao dio. Montrez-moi où sont les lunettes. Mi khlemi fie chichio dio. Mi khlemi fie chichio dio.